du cœur volant. Loin, il a emporté le vent, le vent. Et il n'y a plus d'orage quand l'oiseau est en voyage. Loin des yeux, mais loin des cœurs mouillés. Loin, l'oiseau fuit devant l'été, l'été. Mais il garde sur ses ailes la neige de l'an prochain. Va réveiller Noël.